Bienvenue à l'émission Bouquins et Confidences avec Julie Collin. Pour vous accompagner pour la prochaine heure Bouquins et Confidences, c'est très simple. Pendant une heure, on discute des coulisses du monde du livre. Et cette semaine, je réponds en fait à une proposition qui m'a été faite par un auditeur de Bouquins et Confidences. C'est Pierre-Alexandre Bonin, qui est libraire jeunesse à la librairie Monet à Montréal depuis 5 ans. Il m'a recommandé de discuter de littérature pour adolescents. Puis là, moi, je me suis dit, littérature pour adolescents, oui, j'en lis, mais j'ai pas nécessairement conscience que je lis la littérature pour adolescents. Pour moi, je fais pas la distinction entre la littérature pour adolescents ou la littérature point que je lis. J'aime un livre, je le lis, puis c'est tout. Pierre-Alexandre Bonin, lui-même, est auteur jeunesse, il a écrit une trilogie fantastique qui s'appelle « Le chasseur de légendes » qui est paru chez Bayard, le tome 3, et est prévu pour le mois de mars 2019. Il est aussi collaborateur pour le blog Sophilie, qui est un blog qui est dédié à la littérature pour adolescents. C'est que là, moi, je me suis dit, ben oui, c'est super intéressant qu'il me propose ça, mais je fais quoi avec ça? Fait que j'ai invité deux personnes, deux auteurs jeunesse, deux auteurs, c'est ça, de livres pour adolescents, mais qui sont aussi des auteurs, aussi des amateurs, des amatrices, dirais-je, plus de lecture adolescente. C'est Valérie Harvey et Magali Laurent. Bonjour à vous deux. Bonjour, Julie. Donc, les deux, vous avez écrit de la littérature pour adolescents. Je vous avoue que je ne vous ai pas lu ni l'autre dans ces livres-là, qu'on va nommer. Mais je le sais, je fournis pas. Je m'excuse, je fournis pas. Donc, Valérie Harvey, tu as écrit Les Fleurs du Nord. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Les Fleurs du Nord, c'est dans un Japon imaginaire, un peu médiéval. Donc, j'ai redessiné l'île parce que je ne voulais pas qu'on me reproche que je ne respectais pas l'histoire stricte japonaise. Donc, mais on comprend assez vite qu'on est au Japon, là. Et puis, c'est l'histoire surtout de guerrières et de guerriers. Il y a de l'aventure, de l'amour, un tout petit peu de magie, légèrement. Donc, c'est une saga. Ça se déroule sur trois chroniques, donc trois générations qui suivent dans le temps. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ça. OK. Et t'as aussi La Pomme de Justine. Ouais, ça parle pas du tout du Japon. Ça se passe, moi, dans ma tête, ça se passe dans Charlevoix, là. Selon les lieux que je décris, moi, je suis originaire de Charlevoix. Donc, je le vois dans Charlevoix, mais j'ai pas nommé l'endroit pour qu'on puisse imaginer la forêt qui nous plaît. Mais je l'ai écrit quand j'étais au Japon. Donc, moi, j'ai vécu un an et demi à Kyoto, puis des fois, je m'ennuyais de chez moi. Donc, c'est pour ça. Ça se passe, c'est une histoire d'amour qui se passe dans ma région natale. Oh! Oui. Et toi, Magali, tu as écrit une trilogie BOA. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi, BOA? C'est en référence aux trois groupes sanguins. B, O et A. Donc, oui. Pour faire court, c'est le nom des êtres humains. En fait, c'est une dystopie. Donc, ça se passe dans le futur. Il y a eu une mutation du virus Ebola et dû à un vaccin trop rapide, les plus nantis de nos sociétés qui ont voulu le vaccin en premier se sont transformés en êtres humains qui ont besoin de sang humain pour survivre. Et c'est eux qu'on appelle les BOA. OK. Et t'as aussi la trilogie Billy. Oui, effectivement, qui est pour un petit peu plus jeune, qui est une trilogie fantastique et qui met en scène Billy, mon cher Billy, qui lui est en quête d'identité et qui va essayer de trouver qui il est dans un autre monde, un univers parallèle au nôtre qui s'appelle Easy Lac, qui est peuplé de créatures fantastiques. OK. Donc, si on fait une définition rapidement, c'est quoi la littérature pour adolescents? Ah, la grande question, vaste hein? Vaste question. Écoute, heureusement que tu nous en as parlé un peu avant. Je pense qu'on a pu y réfléchir avec Valérie. Mais je suis contente de voir que je ne suis pas toute seule à avoir besoin de réfléchir à ça. Parce que moi aussi, je n'avais pas intellectualisé ça nécessairement avant de cette façon-là. Mais moi, je me suis posé beaucoup de questions sur c'est quoi la littérature pour adolescents. Parce que quand j'ai envoyé La Pomme de Justine, c'est le premier qui a été publié là, dans la série que tu as donnée. Puis je me rappelle l'avoir envoyé général à Québec-Amérique. Je n'avais pas identifié que c'était un livre pour adolescents parce qu'il y avait une fille de 18 ans dedans. Donc, pour moi, c'était pas relié à l'âge de la personne. D'ailleurs, on s'entend, il y a des livres, je pense à Amphibien de Carla Gugno, où l'héros a 9 ans, et c'est identifié comme un livre pour adultes, là. Donc, et pourtant, je pense qu'un enfant, un adolescent peut y trouver du plaisir à le lire aussi, là, mais ça reste un livre qui est dédié à un public adulte, peu importe l'âge de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on définit comme littérature jeunesse? Ça m'a fait un choc quand c'est justement la section littérature jeunesse qui m'a répondu, parce que moi, je l'avais pas vu comme ça. Je pense qu'il y a souvent une quête d'identité dans la littérature pour adolescents. Donc, on va aller chercher un peu qu'est-ce qu'on est. Tu en as parlé avec Billy. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut être aussi, son image par rapport à ce qu'on sent qu'on est. Donc, il y a tous ces questionnements-là, ces premiers questionnements-là, ces premières expériences aussi qui sont traitées. Puis, c'est un peu ça, je pense, la base de le public à qui on s'adresse. Ça, c'est très différent. La littérature jeunesse pour ados, c'est le public à laquelle on s'adresse, que je pense est le critère des éditeurs. Alors, mm-hmm. c'est pour ça qu'on peut avoir différents âges à l'intérieur du récit, mais généralement, le héros ou l'héroïne va avoir l'âge des adolescents. Là. Oui, puis encore là, la catégorisation n'est pas toujours évidente non. parce que pour BOA, il est sorti ici au Québec en adulte. Il est sorti en France à 12 ans et plus en jeunesse. Donc là, on avait vraiment une perception différente. Il est sorti ici dans certaines librairies aussi en jeunesse et parfois en adulte. Donc on sent que peut-être que le jeune adulte va venir apporter quelque chose. Moi, je l'ai vraiment écrit pour des jeunes adultes. Mais on sent que la catégorisation n'est pas franche encore ici au Québec. On ne sait pas trop où les placer finalement. Et pour moi, c'était vraiment cette catégorie-là. Alors, pourquoi pas jeunesse et pourquoi jeune adulte? C'est ça. Parce que la catégorie jeune adulte, c'est différent. Oui. J'entendais parler la maison d'édition toute petite, Luzerne Rouge, qui vient de débuter. Puis ils en ont fait une belle définition en disant ben, le jeune adulte, c'est pas l'âge du personnage, c'est l'âge du personnage. Donc, c'est entre 13 et 30 ans, là, ça peut aller très large. On s'entend que jeune adulte, même aujourd'hui, ça pourrait s'étendre jusqu'à 35. Selon le gouvernement, tu es jeune adulte jusqu'à 35. Donc c'est, et là, tu as toujours cette quête d'identité-là, mais ça peut être lu par un adulte très facilement parce que toute la vie, jusqu'à 100 ans, là, on a plusieurs remises en question. Mais tu disais 13 ans, jeune adulte. Ben, ça dépend. Il y en a que pour eux, ça peut convenir. Avant, ce qu'on appelle littérature jeunesse, avant, c'était quoi? C'était Jules Verne. C'était Alexandre Dumas avec Les Trois Mousquetaires. Combien d'adaptations dessins animés ont été faits d'Alexandre Dumas avec Les Trois Mousquetaires? Donc, la grande aventure, le désir de se définir à travers D'Artagnan, par exemple. Anne, la Maison Pignon Vert, c'était de la littérature jeunesse. Et pourtant, les soldats de la Première Guerre mondiale l'ont lu parce que c'était un livre qui faisait du bien, c'était un livre positif, c'était un livre lumineux. Donc, la littérature qu'on appelait jeunesse n'était pas identifiée telle qu'elle avant, mais elle existait aussi. Et de cette littérature jeunesse d'antan, ben aujourd'hui, on appelle jeune adulte, mais cette réflexion-là sur notre monde, sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut devenir, dans quoi on va se rediriger si on a déjà une identité. Donc, elle est encore existante, mais on lui donne un nom et une catégorie. Alors qu'avant, il n'y avait pas ça. Mais j'ajouterais une petite pierre à ton édifice. Ben oui! Si tu le veux bien, parce que... Oui, on parle de quête d'identité en jeunesse beaucoup, alors avec des sujets très vastes comme la famille, l'amour, la sexualité aussi de plus en plus. En jeune adulte, j'irai un petit peu plus loin et je parlerai d'émancipation. On dépasse la quête d'identité, on y est toujours, mais on est dans un souci d'émancipation. On est presque dans une quête initiatique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je regardais un petit peu tous les livres jeune adulte que j'ai lus, puis je faisais une rétrospective, je me disais, OK, souvent, les adultes sont absents. Ou s'ils sont là, ils meurent. Puis s'ils ne meurent pas, ils sont dysfonctionnels. Il y a toujours les adultes là, il ne faut pas qu'ils soient suffisamment forts. Il faut que les adolescents, les jeunes adultes, puissent s'émanciper par eux-mêmes. Donc il y a toujours une quête très forte et il faut qu'ils soient suffisamment forts pour accéder à ça. Puis quand on est en littérature de genre, c'est très flagrant par les mondes qui sont construits. On est dans des dictatures, dans des régimes autoritaires et d'un seul coup, bah, on a un héros, une héroïne, un groupe de héros qui vont devoir briser ce système-là. Donc est-ce que c'est pas une façon de s'émanciper du système familial, aussi peut-être de la société, hein, quand on est ado, on est un peu rebelle, en rébellion par rapport à ça, puis c'est tout à fait normal, ça fait partie de la construction. Mais je trouvais que la métaphore était vraiment encore plus forte dans les romans de genre, de science-fiction, de fantastique et tout ça. Donc je dirais peut-être, en plus de la quête d'identité en jeune adulte, on irait dans l'émancipation, puis... Je réfléchissais à Billy, à ma trilogie Billy, puis je disais, hey, mon Dieu, j'ai écrit quelque chose d'hybride sans même le savoir, parce que le premier tome de Billy, il a 14 ans, puis je le considérais comme jeunesse. C'est-à-dire que... Un peu comme le premier tome d'Harry Potter, oui, plus voilà, jeunesse. Exactement. Ouais, puis ensuite, ça part jeune adulte. Exactement. Et sans le vouloir, dans le tome 2 et 3, il a 17 ans. Puis là, les parents, le père complètement dysfonctionnel, la maman qui est décédée, alors que c'était pas le cas dans le premier tome, puis je me suis dit, hey, sans le vouloir, j'ai presque repris de manière totalement inconsciente ces critères-là pour écrire ma trilogie. Donc, je fais comme quelque chose d'hybride, un petit peu comme Harry Potter, effectivement. Donc, peut-être que ça peut aussi définir... C'est un peu triste de penser ça, hein? C'est-à-dire, ce que tu définis là, c'est vrai, là, que c'est commun à beaucoup, beaucoup de choses en jeune adulte. Puis je me dis, ça dit quelque chose de notre société. Si on n'est pas capable d'être en train de changer le monde avec ceux qui nous ont précédés, c'est qu'il y a un gros problème. Parce que Parce qu'on ne pourra pas changer le monde juste en tant que jeune ou en tant que jeune adulte. C'est une alliance de ça prend beaucoup de monde pour changer le monde. Puis pour embarquer là-dedans, ça nous prend toutes les générations, je pense. Mm-hmm. C'est quand je repense à la grève étudiante de 2012, je me rappelle très bien que c'est devenu à un moment donné un espèce de mouvement social où il y avait beaucoup de gens d'autres générations qui étaient présents aux manifestations, qui étaient dans les médias en train de dire non, mais attendez, là, moi je suis une grand-mère puis je suis complètement mm-hmm. d'accord. Et c'était important que ça se passe. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu, je pense, l'impact que ça a eu, la réflexion que ça a eu chez certaines personnes. Je sais qu'on n'arrête pas de dire que ça n'a rien donné, mais je ne suis pas certaine de ça. Mon petit côté sociologue dit que c'est à venir, les changements, parce que c'est chez la jeune génération que ça a peut-être changé des choses et peut-être aussi chez les plus âgés. Mais je me dis, il y a quelque chose de... Oui, souvent, le mouvement social, parce qu'ils ont moins à perdre. Mm-hmm. Hein, les jeunes, ils ne sont pas encore engagés dans une vie familiale, ils n'ont pas encore un travail qui à laquelle ils tiennent puis qui risquent de perdre. Il n'y a pas encore eu de vraies désillusions non plus, des oui, rêves, une espèce tout d'espoir. Ça, on passe en dehors de la boîte sans trop avoir peur. Donc, on est prêt à essayer de changer les choses parce qu'on n'aura pas trop de choses à perdre derrière. Il y a beaucoup de naïveté aussi. Ben, de rêve peut-être. De d'espoir. On peut le voir naïveté, mais je pense qu'on a besoin beaucoup, beaucoup d'eux parce que nous. Oui, non, tout à fait. Non, mais naïveté, pas dans un sens négatif. Là, dans ouais, je comprends. Mais, oui, t'as raison. Ouais. Que tu connais pas toutes les conséquences et que tu essaies des choses. Exact. Puis, ça marche ou ça marche pas. Oui. C'est grâce à eux. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand on va inclure dans ces gens-là, dans ces plus jeunes-là, des gens plus âgés. Je suis en train de lire la tapisserie de Fiona Barr, de Guy Gabriel Kay, qui est son premier écrit, c'est son plus fantasy là, qui est écrit. Et puis, c'est très, très, très fantastique. C'est des jeunes, encore une fois. C'est pas adressé aux jeunes, c'est jeunes adultes. C'est vu comme vraiment pour adultes, là, c'est du sérieux. Mais justement, ce que j'aime, c'est qu'ils ont beau être 5 jeunes qui arrivent dans un monde, ils vont inclure des gens plus âgés. Il va y avoir toutes les générations. Il va y avoir même des petits, des enfants qui vont avoir des rôles très importants à remplir, des plus vieux. Puis ça, je trouve que c'est important parce que, bon, on fait face à un grand méchant, là. C'est comme le classique. Mais le grand méchant, ça va être toutes les générations, toute la diversité des races aussi qui vont se mettre ensemble pour l'affronter. Puis ça, je trouve ça beau. Puis je trouve que ça, on n'en parle pas assez puis on le fait pas assez souvent. Souvent, justement, c'est une petite gang de jeunes comme dans Hunger Games, là, tu sais, qui vont se mettre ensemble, qui c'est eux qui vont changer le monde. Oui. Mais les adultes sont comme en soutien un petit peu, mais ils sont pas intégrés complètement toujours au groupe. Alors qu'on s'entend qu'ils peuvent servir de la sagesse peut servir. Oui, mais en même temps, c'est de la fiction. C'est sûr que comme auteur, on peut écrire ce qu'on veut, puis on peut décider que les adultes, finalement, il n'y en aura pas ou qu'ils vont avoir un rôle très secondaire. Ça reste que c'est le bonheur de la fiction. Est-ce qu'il y a des préjugés que vous entendez? Parce que vous en lisez, vous l'avez dit de toute façon, vous en lisez de la littérature pour adolescents. Quand que quelqu'un vous voit en train de lire de la littérature pour adolescents ou peu importe, est-ce que vous entendez des préjugés? Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent des choses négatives par rapport à ça? Ben, à moi, personnellement, non. Mais je sais que ce qu'on peut entendre, effectivement, c'est de dire ben, « c'est pas de ton âge ». C'est pourquoi tu lis ce genre de choses? Tu peux lire des choses plus intelligentes, par exemple. Bon. Dans le fond, c'est ça. Ça serait pas de ton âge et ça serait pas assez intelligent. Bon, gros soupir. Oui. Dans ces cas-là. Mais je pense que il y a... Bon, le phénomène jeune adulte et jeunesse est assez récent. On en discutait tout à l'heure justement avec Valérie, puis on se disait qu'à notre génération, quand on était plus jeune, il n'y en avait pas beaucoup. Je pense que tu les as tous cités tout à l'heure, ou presque, à quelque chose près. Mais c'est assez récent et ça a connu une énorme explosion. Je pense qu'Harry Potter a beaucoup aidé aussi. Il y a eu une explosion incroyable et tout ce qui a du succès, inévitablement, rencontre la critique. Ça, c'est inévitable et puis c'est logique. Donc oui, il va y avoir une critique plus féroce aujourd'hui par rapport à cette littérature-là. Puis on va peut-être entendre que, c'est gentil, puis il y a des romances, et puis, bon, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de gens... OK. C'est vrai que ce sont des récits punchés, ce sont des récits où il y a beaucoup d'action, c'est des récits où, effectivement, dans beaucoup, beaucoup de livres, il y a de la romance, et étrangement, pas beaucoup dans ceux que je vais vous présenter tout à l'heure, mais en tout cas, sont des contre-exemples. Mais à côté de ça, il y a des thématiques tellement fortes, des personnages incroyables, des styles, des qualités d'écriture, moi qui me renverse, que j'ai juste envie de dire à ces gens-là, c'est dommage que vous arrêtiez à ces préjugés en disant que c'est juste de la littérature, voilà, pour les ados, que ça va leur passer à un moment donné, hein, comme si on allait mettre un pansement, puis à un moment donné, ils vont se mettre à lire des choses pour les grands. Ben non, c'est dommage. Puis en tant qu'adulte, ça nous apporte encore beaucoup aussi. Parce que comme tu disais tout à l'heure, Sylvie, on n'arrête pas de progresser, nous, en tant qu'adultes. Je regarde mes parents, puis je me dis, waouh, je suis épatée de voir qu'ils ont Ils ont choisi une carrière, puis ça a été leur carrière toute leur vie, où ils sont pas vraiment déviés du chemin. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. 30, 40 ans, 50 ans, parfois, on reprend les études, on repart, on est en questionnement. Puis c'est exactement ça que nous proposent ces livres-là. Puis c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de lecteurs adultes qui s'intéressent, qui viennent nous voir, parce que ça leur parle aussi. Hein. Puis ça leur dit que, OK, on peut dépasser nos limites, puis aller plus loin. Puis donc oui, c'est ça que j'aurais envie de dire aux gens qui ont des préjugés, là, d'en lire quelques-uns de qualité. Puis, Oui, puis je pense que tu as touché un point important quand tu as parlé de la popularité, parce que là, on va sortir de la catégorie jeunesse, puis on va en venir à... Quand ça marche fort sur le marché, on va critiquer. Moi, je me rappelle, j'étudiais en littérature il y a longtemps, à l'université, avec la grande littérature, avec un grand L. Ah, ben oui. Donc, oui. Alors, ça m'a complètement traumatisée. Moi, j'ai arrêté d'écrire pendant ces années-là en me disant, ça y est, je serai jamais capable d'écrire ça. C'est tellement pas ça que je veux écrire. Donc, ce que j'écris, c'est sûrement pas bon. Et je lisais Marcel Proust, hein. Ouais, ben, c'est oui. Ça, les grands, hein, les sérieux. Je comprends que tu aies été découragée. Ben oui, tout à fait. C'est pas ça que je voulais faire non plus, mais je lisais, et là, je me suis dit, j'avais pas lu Harry Potter dans ce temps-là, il y en avait déjà 4 de sortie, parce qu'on parle d'Harry Potter, c'est vrai que ça a ouvert la voie, parce que j'avais le préjugé, hein, que les études, c'est bon pour les préjugés aussi, que ben, si ça marche, ça doit pas être très bien écrit, ça doit pas être très bon. Et un jour, je me suis dit, ben, je vais les lire quand même, pour savoir si c'est vrai. Ouais, moi, j'ai tout lu. Je lis quand ça marche, je me lance dessus en me disant, ben, peut-être c'est bon aussi, et maintenant je le sais. Donc, je me suis mis à lire Harry Potter et j'ai été vraiment surprise parce qu'il y a une qualité d'écriture qui est là. Donc, il y a dans le populaire, dans la littérature avec un petit L, il y a des choses extraordinaires. Et il y a dans la littérature avec un grand L des choses que vraiment, là, il y a des longueurs. Puis oui, peut-être qu'il y a un effet de style, mais on aurait pu resserrer avec l'éditeur, je pense. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut trouver dans les deux littératures. Il y a des choses qui peuvent être bien écrites. Et effectivement, il faut donner la chance à ce qui marche aussi. Harry Potter, ce qui est intéressant, c'est justement, puis je pense que c'est, tu en as parlé aussi, ce qui est commun en littérature jeunesse souvent, c'est que s'il faut que ce soit des page-turner. Oui. Là, les séries télé maintenant. L'ado, il va pas te laisser une deuxième chance. Si tu as 15 pages de description d'un paysage, c'est fini. Oui, mais l'adulte aussi, souvent... Ouais, je le sais. Mais les ados sont peut-être un peu moins patients y en encore, a mais... un petit peu encore, quand même. C'est bien. Il faut qu'il y ait différents styles. Il faut qu'il y ait des livres. Tu sais, moi, j'ai de la poésie dans Les Fleurs du Nord, là. Mais la poésie, c'est super. Oui, mais on s'entend-tu qu'on est dans un autre genre? Donc, tu sais, quand tu rentres ça dans un roman, tu pourrais peut-être te dire, oh, tu vas perdre la personne, là. Non, non, il y en a. Moi, j'en ai mis un peu, puis là, c'est un risque, puis moi, c'est ça. C'est le style comme ça, puis au contraire, les gens, il y en a que c'est ça qui aime, l'intégration d'une autre forme d'écriture dans un livre qui est un roman, mais que oui, il faut qu'il y ait de l'action. Il faut que ce soit intense souvent. Parce que on veut vivre des émotions. Tu le dis comme dans une série télé. Oui, mais l'adolescence, c'est intense aussi. C'est bien intense. Sûr. Puis en tant qu'adulte, c'est peut-être pour ça qu'on en lit. On veut lire d'intensité. On veut se souvenir de ça, mais de la bonne façon, parce qu'on ne retournerait pas nécessairement. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je ne retournerai pas à l'adolescence. Non, c'est correct. Mon parcours initiatique a été suffisamment long et... Non, mais moi, je ne retournerai pas à l'adolescence, mais... La littérature jeunesse, c'est pas toujours des histoires d'ados. Parce que moi, Les Fleurs du Nord, c'est toutes des adultes. Oui, c'est vrai. Dans le fond, c'est ça, tu nous expliquais un peu. Ben tantôt, oui, c'est ça. Oui. Fait que malgré moi, leur âge. Ben, parce qu'en fait, Les Fleurs du Nord, ça s'écrit dans un monde médiéval. Donc, la majorité est à 14 ans. C'est ça. Donc, c'est mentalement, c'est rendu un adulte. C'est-à-dire qu'il est prêt à se marier, il va faire la guerre. Donc, pour moi, il faut toujours que je me ramène au fait que là, il y a 18. Là. Son monde, il est prêt, là. Il se lance dedans. Fait que c'est des adultes. Et moi, même, tu vois, les parents, tu les vois beaucoup plus vieux. Là. Donc, il y a pas, ça peut être cette quête initiatique, ce désir d'émancipation, de changer le monde. Oui, il peut être présent, même avec des personnages plus âgés. Donc, oui, je ne retournerai pas à l'adolescence, moi non plus, pas du tout. Ça, c'est un type de littérature jeunesse. Il y a plusieurs genres dans le Ben oui, mais c'est là que je m'en allais avec vous autres. Parce que quand tu as parlé de poésie, moi, je me suis dit, il me semble, ça doit exister de toute façon, de la poésie pour les adolescents. Je ne peux pas croire. Sans doute, mais alors là, je suis vraiment pas. Non, mais moi aussi, la réflexion est comme fraîche dans ma tête, là. Sans aucun doute. Moi, il y en a des ados qui aiment ça, là. C'est sûr qu'il y en a. Moi, le dernier que j'ai lu, c'est Léméac de Jonathan Bécotte, Soufflé dans la cassette. Ah, oui. Alors, Alors là, vous avez un récit qui est très, très, très court, mais en fait, c'est de la poésie. Écrit en forme de récit, donc c'est une forme de poésie, mais c'est extraordinaire, vraiment. Donc, son deuxième, je ne l'ai pas lu encore, qui vient de sortir, mais c'est de la poésie. Donc, oui, ça existe, c'est plus rare, tu as raison, mais la poésie est plus rare partout. Oui. Donc... aussi. aussi, puis on pourrait faire une émission complète sur la poésie aussi. C'est quoi les types de lectures, de livres qui peuvent exister en littérature adolescente? Ben, la littérature jeunesse et jeune adulte, c'est une catégorie, donc c'est pas un genre. Donc, on peut le retrouver dans tous les genres, je pense. Justement, comme on parlait tout à l'heure, je pensais à tous les genres que j'ai lus en littérature jeunesse et la seule que j'ai pas lue, c'est policier et thriller. Et je me suis posé la question justement à savoir s'il en existait. Puis oui, il y en a au moins un américain, Hunt Killers de Barry Liga. Il n'y en a pas beaucoup, mais oui, il y en a. Puis ça, je pense que l'émulation fait qu'il y en aura de plus en plus dans tous les genres, de toute façon. Donc, ouais, je pense qu'il y a encore pas mal de belles années là, de ce côté-là pour la littérature. On peut avoir de l'historique, de la romance. Oui. On peut avoir plein. Oui. L'historique en jeunesse, oui, on en a. Oui. Ah, oui. Puis moi, je me rappelle avoir lu, justement, tu disais qu'il n'y en avait pas beaucoup quand on était plus jeune. Moi, j'ai quand même lu, il y avait toute La Courte Échelle là, qui existait. Ben oui. On a lu quand même beaucoup. Mais je me rappelle avoir lu Jeanne, fille du roi de Suzanne Martel. Mm-hmm. Une histoire d'amour. Mais c'était beau parce que, justement, c'est l'histoire d'une fille du roi qui arrive ici au Québec puis qui fait face aux Iroquois avec sa force. Elle était déterminée. Ça faisait du bien, une héroïne comme ça. Puis ça m'a initiée à qu'est-ce qu'on était? Qu'est-ce qu'on était comme colon? Qu'est-ce qu'on est, d'où on vient. Après, j'avais lu M'en fous Carcajou, qui était toute une série beaucoup plus sérieuse dans Suzanne Martel, toujours, où là, c'est la colonisation, les coureurs des bois. Donc, pour moi, ça a été une initiation à mon histoire, hein, parce qu'on lisait beaucoup de livres français. Donc, La route de Schlieffa de Michel Marino, ça date de mon petit bout, ça aussi. Mais pour les réfugiés, pour comprendre la vie des réfugiés, ça serait à réactualiser, hein, parce que ça, j'ai tellement pleuré, je l'ai lu adulte, ça. Donc, mais c'est un livre très court, mais qui te fait comprendre c'est quoi être un réfugié, c'est quoi s'intégrer dans une école québécoise là, quand t'arrives avec ce bagage-là. Donc, c'est extrêmement prenant. Je défie tout adulte de résister aux pages finales. C'est... Ben oui, parce que même si c'est de la littérature pour adolescents, on s'y retrouve comme adulte et c'est touchant de la même façon. Quand c'est bien écrit, quand les émotions sont bien là. Sûr. Oui. C'est bon, là. Oui. Là, ce qui est en grande vogue en ce moment, c'est beaucoup l'horreur. Oui. Donc, chez les ados, là, c'est vraiment beaucoup d'auteurs là-dedans. Puis là, c'est pas évident parce que, on écrit de la littérature jeunesse, on écrit de la littérature jeune adulte, on veut mettre de l'horreur. Moi, dans BOA, j'ai mis, il y a quelques, qu'on peut s'apparenter à des zombies, mais jusqu'où je vais aussi? Parce que là, je sais pas si vous avez, je pense que vous avez entendu parler de la série adulte, finalement, des contes interdits, mais ça, c'est vraiment de l'adulte. Et il faut faire attention à la limite. Qu'est-ce qu'on fait si on écrit pour les jeunes adultes ou les adultes? C'est quoi la limite qu'on se fixe aussi? Il y a une certaine pudeur. Hein? Oui, oui. Je pense qu'elle est essentielle parce que ce sont quand même des lecteurs qui sont en construction. Et on peut traiter de sujets dans mes livres. On parle, il y a quand même des métaphores du viol, il y a des choses, mais je veux pas que ce soit explicite. Je veux que ça ait un sens, un but, que ce soit utile au récit aussi. Puis, je me donne comme mission vraiment de faire en sorte de les secouer un petit peu, mais en même temps, je veux pas les traumatiser non plus, puis je veux que le cheminement se fasse dans leur tête également. Donc, on revient un petit peu à tout à l'heure, la critique où les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous lisez de la littérature jeunesse? Moi, c'est plus les critiques que j'en écrive. Oui. J'écris de la littérature jeunesse, et donc, ça doit être donc bien facile d'écrire ça, là. C'est pour les jeunes, c'est facile. Est-ce que c'est non, facile? C'est pas facile. Non, parce que justement, je me mets des barrières, puis je me pose la question à savoir où est-ce que je place cette barrière-là, jusqu'où je peux aller. C'est pas évident. Puis justement, je disais, on a un public en construction, on a une responsabilité en tant qu'auteur aussi de faire passer des messages, de les divertir, mais en même temps, on veut aussi qu'il y ait une thématique, qu'il y ait une profondeur dans nos récits. C'est pas évident. Puis moi, j'ai tendance à dire que non, c'est pas facile. Puis justement, il y a peut-être pas de description de 15 pages, mais je trouverais peut-être ça plus facile de mettre des descriptions de 15 pages pages pour faire visualiser mes univers. Mais non, moi, il faut que dans l'action, mon lecteur visualise mon univers. J'ai l'impression que c'est encore plus difficile, finalement, que ça coule, puis que je les ennuie pas, etc. Donc non, c'est pas facile. Puis c'est une discussion que j'ai eue à plusieurs reprises, mais plus en tant qu'auteur. Moi, en tant que lectrice, tu vois. Okay. Oui, en tant qu'auteur, toi, Valérie? Oui, oui, c'est... Moi, en fait, quand je parle de mes livres, je parle même pas de si c'est jeunesse ou pas, là. Fait que c'est d'un adulte, j'écris ça, c'est ça le style, vous pouvez le lire si ça vous intéresse. Puis là, monde font comme, ah, je connaissais pas cette collection, c'est de la littérature jeunesse, mon Dieu, je l'aurais pas deviné en lisant. Mais effectivement, on se place des barrières en tant qu'auteur. Moi, ça m'énerve un peu. Moi, j'écris sur le web aussi, j'en place beaucoup moins sur le web. On peut faire ce qu'on veut sur le web, donc. Bien sûr. Et ce que je remarque, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui vont rechercher les choses où t'as pas écrit, où t'as écrit sans barrière. T'sais, ils lisent Patrick Sénécal à l'école, là, souvent. Il y en a que c'est ça qu'ils vont choisir comme lecture de chevet. Moi, je suis pas capable de lire ça en tant qu'adulte. Je pense que les barrières... Ben, c'est eux-mêmes qui les fixent. En fait, ils devraient être libres d'y aller ou pas. T'sais, parce que moi-même, je voudrais pas... Je suis très, très sensible à l'horreur. Je la vois la nuit, donc j'ai un peu trop d'imagination, je ne contrôle plus. Donc, je sais ce qui est écrit, c'est très bon. C'est justement pour ça qu'il ne faut pas que j'en lise. Mais à un moment donné, j'en lisais quand j'étais ado. Puis c'est quand j'étais ado que j'ai atteint ma limite en cauchemar. Puis que je me suis dit, OK, là, il faut que j'arrête. Faut que je me descende. Mes amis sont capables d'en lire, mais il semble que moi, je suis pas capable de me faire une carapace suffisante. Donc, je me suis moi-même placé la limite. Je trouve ça dommage que la limite nous soit placée. Justement, dernièrement, j'ai lu Libération de Patrick Ness. Ou côté sexualité, beaucoup plus explicite que tout ce à quoi j'avais lu des choses explicites avant. Là. Donc, pour ados, je parle. Et là, c'est jeune adulte, en fait, Libération, mais ça comprend les jeunes ados. Hein, donc, et là, je me dis, mais c'est intéressant que lui, comme auteur connu, célèbre, puisse se donner cette liberté-là que tu n'as pas tellement, quand tu débutes, en tout cas, de pouvoir être comme il est, là, d'avoir des scènes où ce que c'est assez clair ce qui se passe, que c'est pas suggéré. Donc là, tu te dis, OK, moi, comme auteur, non, ça serait pas... Pourquoi toi, tu l'endosserais pas? Moi, je l'endosserais, mais c'est pas sûr que ça serait publiable. Parce que là, tu vas tomber dans ce qui est à l'école, il y a des parents qui réagissent, il y a des professeurs qui osent pas mettre ça parce qu'ils ont peur des réactions. Je dis pas que les parents vont nécessairement réagir, mais je dis que oui, il va peut-être y avoir un choc. On est dans une espèce de pudeur, hein? On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Puis, mais non, le jeune va le chercher ailleurs. Il va le chercher quand il est prêt aussi. Moi, j'avais une fascination pour le fantastique quand j'étais plus jeune. Puis à 11-12 ans, je lisais Stephen King et tout ça, parce que je le voulais. Et je pense que le jeune qui a envie de dépasser le stade du jeunesse, il va aller chercher de lui-même. Puis c'est pas rare que j'ai des parents. Alors, c'est ça que je trouve fantastique avec les salons du livre, c'est comment on peut discuter avec les parents aussi. Puis souvent, ils viennent nous questionner sur nos livres. Ce qu'on peut pas toujours faire en librairie, hein, quand ils sont face à un livre. Est-ce que pour mon jeune, c'est correct ou pas? Mais c'est ça. C'est souvent de dire, de quoi votre livre parle et c'est quoi la limite de mon jeune. Puis le jeune aussi est capable de le dire. Toujours les parents. Puis là, je parle des jeunes, 11-12 ans. Qui, pour certains parents me disaient, mais c'est pas grave, ils regardent Walking Dead, puis tout ça. Okay. Donc. Mais pour d'autres, ils connaissent la limite de leurs enfants aussi, puis ils vont mettre des petites barrières. Mais il y a des jeunes qui sont capables à 14-15 ans de lire du Patrick Sénécal ou ce genre de choses sans aucun problème, puis ils vont aller le chercher. Mais moi, si on me met, parce qu'on nous met dans une catégorie, donc si on me met dans la catégorie jeunesse ou si j'écris pour la jeunesse, j'aurais une difficulté à aller au-delà de certaines choses parce que justement, est-ce que le jeune qui est face à mon livre en librairie va être au courant, il va le savoir, puis comme j'écris des choses qui sont pas justement c'est pas trop explicite dans les autres livres que j'ai écrits, ce jeune là si d'un jour au lendemain je me mets à mettre des scènes très gore ou très explicites, est-ce que il y a toujours cette problématique aussi, hein, Patrick Sénécal a commencé du gore, il est là-dedans, on le sait, on est au courant, mais quand on est un auteur jeunesse, passer la limite. C'est pour ça qu'il y en a certaines qui prennent des pseudonymes aussi. Hein. Ils commencent à écrire d'autres choses, parfois de l'érotique, du BDSM, etc., avec des pseudonymes parce que ils sont catégorisés jeunesse. Si leur nom apparaît sur d'autres catégories ou d'autres genres plus explicites, ça peut poser problème. Donc, d'où la responsabilité aussi dont je parlais tout à l'heure. Et je suis d'accord avec toi que, par moment, quand j'écrivais Billy, je me disais, ah, j'ai l'impression de m'être trop censurée un petit peu. Donc, avec Boa, je suis allée une coche au-dessus. Mais je suis pas sûre en tant qu'auteur de vouloir aller plus loin, ceci étant dit. Mais pour un auteur qui voudrait aller plus loin, ça peut être problématique à un moment donné. En tout cas, il y a une réflexion à avoir, effectivement. Oui, pour la jeunesse. Mm-hmm. On va aller en pause. Les filles, c'est super intéressant. Vraiment beaucoup. Je me sens vraiment mal. C'est comme ma job de faire pour qu'on aille en pause. Fait que, auditeurs, restez là. On revient dans une minute, puis on continue la discussion super intéressante avec Valérie Harvey et Magali Laurent.